Paris au matin blême, sur les bords de la Seine, les ombres vont et viennent, mais je t'aime quand même. Les ombres vont et viennent, les jours et les semaines y passeront de même, mais je t'aime quand même. Quand même tu n'aimeras pas que je te dise ça. Quand même tu n'aimeras pas que je te dise ça. Tous les matins ces graines sans porter une graine, le jour se lève à peine, mais je t'aime quand même. Le jour se lève à peine, les ombres vont et viennent, ce sont partout les mêmes, mais je t'aime quand même. Quand même tu n'aimeras pas que je te dise ça. Quand même tu n'aimeras pas que je te dise ça. Ce sont partout les mêmes, ceux qu'on écoute à peine, et qui vont et qui viennent sur les bords de la Seine, et qu'ils aillent et qu'ils viennent sur les bords de la Seine. Ce n'est pas un problème, car je t'aime quand même. Quand même tu n'aimeras pas que je te dise ça. Quand même tu n'aimeras pas que je te dise ça.